There it is. CKRL vous souhaite de joyeuses fêtes. Tout a commencé lorsque des enfants ont écrit sur le mur de leur école à Daraa que chute le régime. Ils ont alors été en prison. Looking at the pictures of what is being claimed to be Osama bin Laden after death. Après a laissé en fait le marché unique européen libre à la Russie. On passe maintenant aux élections législatives du week-end dernier en Russie. Il y a beaucoup de réactions, notamment après l'arrestation de cette Abbottabad, la ville pakistanaise dans laquelle a été capturé Osama bin Laden. Le calme était revenu ce mardi matin. Samedi 29 décembre 2012, aujourd'hui à l'émission Le Grain de Sable, nous aurons une émission toute spéciale, toute en musique. Nous allons jouer et faire jouer quelques-unes des pièces que vous avez entendues tout au long de l'année 2012. À tout de suite. Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Et oui, chers auditeurs, une émission toute spéciale en ce 29 décembre 2012, trois jours de la prochaine année de l'année 2013. Nous allons penser vous faire jouer quelques-unes des pièces. Évidemment, nous ne pouvons pas faire jouer toutes les pièces que nous avons fait jouer à trois pièces en moyenne par émission. Ça en ferait beaucoup trop. Mais nous allons commencer par un son qui a été très familier en 2012. Je vous laisse écouter et je vous dirai après d'où provient ce son. C'est un son qui a été très familier au printemps 2012, le printemps érable québécois. C'était le remix du Tintamarre Bill 78 de DJ Org sur une compilation qui s'appelle Printemps érable, une compilation que vous pouvez vous procurer sur le web. Alors, Le Grain de Sable, comme vous le savez, c'est de la musique engagée. C'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Et tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Et ici, c'est Michel Monette qui anime cette émission. Il y a aussi Valérie Blouin qui a animé cette émission une bonne partie de l'année et de qui nous nous ennuyons. D'ailleurs, si elle nous écoute, Valérie, je la salue bien bas. Et il y a eu aussi les chroniqueurs habituels, Cédric Leterme qui va avoir une chronique la semaine prochaine. Il y a aussi Nicole Moreau qui a à tous les mois une chronique où elle nous parle de d'économie sociale, tiens. Il y a aussi Robert Jasmin qui fait chaque mois une chronique sur les États-Unis, beaucoup axé sur les États-Unis. Et puis finalement, il y a notre ami qui nous fait une chronique régulière sur les Indiens d'Amérique. Pardon, je m'excuse. Et notre ami, voyons, Je suis désolée, j'ai un blanc. Je vais vous faire jouer, tiens, la première des pièces avec pas de casque, intuition. Et je m'excuse profondément auprès de notre ami qui fait la chronique sur les Amérindiens, comme il les appelle. Je vous fais écouter avec pas de casque la pièce musicale qui a été aussi un grand, qui a aussi beaucoup joué, mais qui a donné lieu à un magnifique vidéo que vous pouvez retrouver sur le web. Alors, la pièce s'intitule Intuition numéro 1. Tu diras, tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. L'intuition d'un sentiment qui ne revient trop peu. Tu diras, tu diras que tous tes sens piochaient, tu m'aimes au bord. Par une force étrange. Ce sera ton camp de bord. Ce sera ton camp de pause. Tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. Prudence comme elle se doit de temps en temps. Ce sera ton camp de boss. Ce sera ton camp de boss. Voilà, c'était Intuition numéro 1 avec pas de casque. C'est sur la compilation Astronomie. Il nous arrive toujours d'avoir des blancs dans la vie. C'est Et c'est toujours embarrassant. Alors, c'est Renaud Blais, le quatrième chroniqueur Renaud, que nous saluons aussi bien bas s'il est à l'écoute présentement. Renaud qui nous parle à chaque mois, qui nous parle qui nous a parlé d'un aspect de la culture des peuples amérindiens, des Premières Nations. Vous savez, actuellement, il y a le mouvement Idle No More. On va y revenir tantôt d'ailleurs, parce qu'on va faire jouer une autre pièce qui n'est pas évidemment en rapport avec Idle No More, mais qui, il y a un lien, vous verrez. On va poursuivre avec une pièce qu'on avait fait jouer le 27 octobre dernier. Nous recevions alors l'essayiste Bernard Rioux à propos de l'ouvrage Le printemps des carrés rouges. On écoute Les oies sauvages, mes aïeux, sur la compilation À l'aube du printemps. Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent, par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout unis à la chaîne derrière l'oie capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. De tous ses efforts. Quelle chanson magnifique. Nous avions fait jouer aussi cette chanson de Mes aïeux, Les oies sauvages, le 28 avril 2012, dans la dernière émission du printemps 2012, alors que nous avions une entrevue avec la chercheure Evelyne Couturier de l'Institut de recherche et d'information socio-économique sur les nouvelles théories économiques. Et un peu plus tôt, soit le 7 avril, nous avons fait jouer une autre chanson qui est assez représentative du mouvement que nous avons connu au printemps 2012. C'est une chanson de Urbain Desbois, Madame Beauchamp. On l'écoute. Madame Beauchamp, je suis un homme de 45 ans. Pas éduqué, j'ai jamais eu l'argent. Je suis le père d'une jeune fille de 22 ans qui devait finir son bac à la fin du printemps. Malheureusement, pas en train d'arriver, elle est dans la rue, en train de manifester. Moi je l'encourage à défendre ses idées. C'est juste comme ça qu'elle pourra avancer. Madame Beauchamp, je sais que vous devez être pas mal stressée. Moi je voudrais pas être en vos souliers. Madame Beauchamp, tout le monde a le droit de se tromper et de faire des choses qu'on pourrait regretter. Mais Madame Beauchamp, vous savez qu'il est encore temps. Vous excusez et de tout recommencer. On sera patient, on vous laissera respirer. Vous êtes pas méchante, juste un peu aveuglée. Madame Beauchamp, ça vous prendrait du monde à qui parler pour vous connecter sur la réalité. Madame Beauchamp, les jeunes sont pas méchants. Rencontrez-les, ils vont juste vous aider. Madame Beauchamp, respirez par le nez. Ouvrez la porte et laissez-les rentrer. Ouvrez votre cœur, on sait que vous n'avez un. On aimerait ça que vous changiez d'idée. Voilà, c'était Madame Beauchamp de Urbain des Bois, une chanson assez représentative de ce que nous avons connu au printemps 2012. Et à ce moment-là, c'était le 7 avril 2012, nous recevions l'économiste Yannick Marcel avec qui nous avons causé d'une très belle initiative à Montréal, Absolu Théâtre. C'est une initiative qui souhaite être reconnue comme un passeur de culture actif au sein de sa communauté et qui favorise l'épanouissement des créateurs, le développement de la pratique théâtrale et le rayonnement d'œuvres de qualité auprès d'un large public. Vous pouvez vous rendre sur notre blog, legrainsablequc.org. Vous cherchez à partir des dates que je vous donne et vous allez tomber sur un billet de blog qui parle des sujets que je vous rappelle en mémoire. Et vous allez avoir des liens vers Absolu Théâtre, entre autres. On écoute une chanson qu'on a fait jouer le 17 mars 2012 et c'est une chanson qui nous avait bien fait rire à l'époque. C'est Mise en demeure et c'est Liberté d'expression. Vraiment Liberté d'expression. On l'écoute. Liberté. T'as le droit de flotter un peu, d'être un conservateur, de creuser sur ton tracteur. Mais on a le droit de trouver cave. T'as le droit de croire en Dieu, d'avoir un parcours pieux, de bafouer avant le mariage. Mais on a le droit de trouver cave. T'as le droit d'être pro-vie, d'être pour la peine de mort. T'as le droit à ton avis, mais on a le droit de trouver cave. T'as le droit d'être un fakiste, t'as le droit d'être un fucker. T'as le droit d'être un fakiste, mais on a le droit de trouver cave. T'as le droit d'être bobo, d'avoir tes deux chars écolo, de faire des mohawks à tes flots. Mais on a le droit de trouver cave. T'as le droit d'être un hipster, de triper hard campfire, de te promener en fixie à toute heure. Mais on a le droit de trouver cave. T'as le droit d'aller sur la place Valois, de manger au Ariana, de dire que t'habites à Oma. Mais on a le droit de trouver cave. T'as le droit d'être un rainbow, vouloir coucher avec des ados, de te prendre les pieds nus dans le métro. Mais on a le droit de trouver cave. T'as le droit d'être anarchiste, de t'habiller comme tes amis en te disant anticonformiste, mais on a le droit de te trouver cave. T'as le droit d'être marginal, d'être toujours gelé comme une balle, d'étudier au vieux Montréal, mais on a le droit de te trouver cave. T'as le droit d'être révolté, de le clamer dans les assemblées juste avant d'aller travailler, mais on a le droit de te trouver cap. Tu veux faire la révolution, tu fumes des battes dans ton salon en écoutant nos chansons, mais on a le droit de te trouver cap. Ah, quel printemps ce fut, chers auditeurs, quel printemps ce fut. Mais évidemment, il y a eu tout le mouvement étudiant, mais ça a rapidement débordé et ça a été une tentative de transformer la société québécoise. On verra dans quelques années quel impact ça aura. Et souhaitons qu'il y en ait d'autres printemps érables. Printemps québécois. Mais il n'y a pas que des problèmes. Évidemment, il y a toutes sortes de problèmes sociaux et il y a des problèmes qui concernent, entre autres, cette journée-là, le 17 mars 2012, nous avions reçu André Jacob, qui est coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations à la chaire de recherche. À la chaire de recherche ethnicité, immigration, ethnicité et citoyenneté de l'UQAM. Et nous avions discuté à ce moment-là des travailleurs étrangers. C'est un grave problème, les travailleurs étrangers. Toujours d'actualité d'ailleurs. Nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir sur cette question des travailleurs étrangers. Mais il y a un autre problème qui nous a préoccupés en 2012 et le 11 février 2012, on recevait Catherine Caron d'Attaque Québec sur une initiative entreprise auprès des villes pour les amener à voter une résolution demandant une exemption de l'application d'un éventuel accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler, c'est plutôt de... À ce moment-là, nous avions fait jouer. C'est plutôt d'une charge du chanteur Samia contre le plan d'or que nous avions fait entendre à ce moment-là. Et un peu plus tard dans l'année, nous avons fait jouer la chanson suivante, la chanson justement Plan d'or de Samia que je vous fais écouter maintenant. A décidé de perdre le nord pour des diamants, de l'argent et de l'or. Il prétend vivre dans un pays libre, mais j'ignore que la nature est le parfait équilibre. Trop de consommation pour des biens matériels. On est en train de perdre le nord et les enjeux sont réels. Vous profitez de la terre pour vos propres envies, sans même réaliser qu'elle nous met y en vie. Vous voulez profiter pour une seule génération, mais cette terre nourrit toute une population. Vous voulez déraciner tout le nord québécois, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. T'inquiète, j'ai compris, c'est une question business. Vous gouvernez un territoire rempli de richesses. Venez surtout pas me faire croire que cette terre vous appartient. C'est plutôt grâce à elle qu'on respire chaque matin. Je représente mon peuple à travers l'art et je vous annonce de leur part que le peuple en a marre. Mais on connaît vos politiques, des êtres obsédés. Là où il reste un peu d'air frais, vous devez le posséder. Vous faites même basculer notre chaîne alimentaire, assis bien au chaud sur la colline parlementaire. Vous pensez refaire le monde avec vos projets de loi, mais un jour vous comprendrez que l'argent se mange pas.

chose. 89.1, Québec. C'est KRL. J'ai de la viande de cheval, des raviolis et puis de la sauce tomate pour faire un souper aux chandelles avec peau d'hommage, du brie triple crème. J't'ai écrit un refrain, c'est pas du puits qui le sait. J'ai de la viande de cheval, des raviolis et puis de la sauce tomate pour faire un souper aux chandelles avec peau d'hommage, du brie triple crème. J't'ai écrit un refrain, c'est pas du puits qui le sait. Vois le son bébé, ressens le love dans ma clavicule, un peu auto-tourné, mais je spit tout comme d'habitude. Interrevin, j'ai besoin de toi, j't'appelle ça finit plus. J'ai reçu mon béli hier comme la vésicule. N'importe quelle énormité pour ta chauderie. Je vais te rock à l'infini sur tes grosses demi. Quand j'avais faim, tu m'en hook up avec tes groceries. C'est comme si me and you was how it was supposed to be. On run shit comme Mr. Hanky dans une poursuite. Grab toutes les pâtisseries au noursi avec ce faux clip. Just kidding, je dois préciser, c'est ça qui est crazy. C'est ni oui ni non, don't play me. Je suis down pour the real, j'ai des mounts to the real. Je donne un pound, puis j'assemble. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, une émission toute spéciale, une émission qui passe en revue quelques-unes des pièces musicales que nous avons fait jouer cette année, tout au long de l'année 2012. On poursuit avec une pièce qu'on a fait jouer le 8 décembre 2012. À ce moment-là, nous avions reçu Emilia Castro, vice-présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches, CSN, à propos de 24 heures d'action à travers le monde contre les entreprises d'exploitation de la Marche mondiale des femmes. Et nous avons fait jouer d'entrée de jeu la chanson « Du pain et des roses », l'interprétation de José Vachon. On l'écoute. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses pour qu'on se repose. Du pain et des roses. Il nous faut des roses, un souffle, une pause. Il nous faut du pain, donnons-nous la main. Nous sommes plus grandes que ce qu'il vous semble. Nous voulons la paix pour ce monde qu'on a fait. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses pour qu'on se repose. Du pain et des roses. Trouvons des trouvailles pour que l'on travaille. Guettons les ghettos, nous sommes égaux. Blanche, blonde et brune. Gris et noir, nous parlons d'espoir. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses pour qu'on se repose. Du pain et des roses. Ces enfants qu'on aime ne sont pas des graines qu'on sème à tout vent, au hasard du temps, brûlés d'amour fou. Portez-les en vous comme un cœur battant, jamais assez grand. Thank you. souffle une pause. Il nous faut du pain, donnons-nous la main. La terre est une femme, entendez nos âmes. Ne soyez pas sourds, nous parlons d'amour. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses. C'était José Vachon, Du pain et des roses, une chanson qui a marqué l'histoire du Québec à compter du... Le début des années 2000, la Marche mondiale des femmes, et cette année, comme je vous le disais, il y a eu le 24 heures d'action à travers le monde contre les entreprises d'exploitation. Et ici au Québec, on a beaucoup insisté sur les entreprises qui exploitent les ressources naturelles. Donc, il y a un lien entre la chanson Du pain et des roses et la chanson précédente là, que nous avions fait jouer, c'est-à-dire Samian Plan Nord. On poursuit avec une chanson qui a joué le 14 janvier 2012. À ce moment-là, il y a, bon, à peu près un an, n'est-ce pas? Nous avions eu un entretien avec Simon Tremblay-Pépin de l'IRIS, une sorte de perspective 2012. Je me demande bien ce que Simon Tremblay-Pépin dirait aujourd'hui de cette perspective. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission du 14 avril et toutes les émissions d'ailleurs en vous rendant sur legrainsablqc.org, notre blog, où nous avons non seulement mis les podcasts, les balados diffusion de toutes les émissions 2012, mais aussi des liens vers les différents sujets sur lesquels que nous avons abordés, et également toutes les pièces musicales que nous avons fait jouer en 2012. On poursuit avec la chanson qu'on avait fait jouer donc le 14 janvier 2012, lors Rianne, travaillez moins pour vivre mieux. On a envie de dire qu'elle a tout à fait raison, lors Rianne. On écoute. J'aurais aimé voir le soleil, les émeux réchauffer le cœur, apprendre des vers, lire Baudelaire, profiter du temps qui passe trop vite, écouter le chant des oiseaux, reposer mon corps et mon esprit au jardin du temps libre. Mais ce moment de grâce n'existe pas. Travailler plus pour gagner plus, dormir moins pour se porter moins bien, être homme robot, la belle ça, manquant de temps dès le petit matin. Travailler plus pour gagner plus, plus, plus. Travail tu m'as pris dans tes bras, par force pour me dévorer mon âme, pour t'infiltrer dans mes chairs, pour m'ôter mes illusions, ma santé, pour me faire croire à des lendemains qui chantent et m'accabler des mots de société. Des soucis à petit crédit, ça se fait. Des soucis à fort intérêt, ça se fait. Finir dans le noir des affaires que l'on appelle le business. Travailler plus pour gagner plus, dormir moins pour se porter moins bien, être homme robot, la belle ça, manquant de temps dès le petit matin. Travailler plus pour gagner plus, plus, plus. J'aurais aimé voir le soleil, le laisser me réchauffer le cœur, écouter le chant des oiseaux, ouvrir ma porte à mes amis, être présent pour ma famille. Mais le travail a bouffé ma vie, mes loisirs et ma santé ne sont pas à ma portée. Travailler plus pour gagner plus, dormir moins pour se porter moins bien, être homme robot, la belle ça, manquant de temps dès le petit matin.

suis dépenteux, ton retard, même si pour la paix se sont être un retard. Mais l'oubli de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton retard, même si pour la paix se sont être un retard. Mais l'oubli de cette envie de tirer dans le tas, mais la beauté de la vie descend de ton retard. Camarade, méfie-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toutes celles établies. Alors, va où ton cœur te porte, camarade. Ah, c'était Kenny Arcana, ils ont peur de la liberté. C'est tiré de la compilation Entre ciment et belle étoile. On avance un peu dans le temps, on recule moins dans le temps, le 29 septembre 2012. Nous avions présenté une entrevue avec Alain Deneau à propos de l'ouvrage Paradis sous terre, dont il est le co-auteur avec William Sacher. Ils en ont profité pour faire jouer une pièce de Richard Desjardins, Développement durable. On l'écoute. Après je me suis perdu dans les chemins de compagnie, peinard bas par de vue, bel job que je me suis dit. Fallait que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC. J'avais du temps devant moi, c'est pas que j'ai vidé un lac. C'est que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pas tout, avec les oreilles dans le crin, il me dit tu détruis tout. Quand même ça sera de ma faute, que c'est que tu veux que ça me fasse. Si c'est pour moi, c'est un autre qui va le faire à ma place. Moi tout, je n'ai des enfants, lui laisse des beaux restants. Puis s'ils sont pas contents, le reste l'agonistan. Toi toujours vivant, dis-toi que c'est mieux que rien. Puis si t'es pas content, ton gomme d'où c'est que tu viens. J'pille, j'pille, j'pille, ben correct, ben correct. J'pille, j'pille, j'pille, j'sais plus quoi faire avec. Moi j'en vois pas de problème, skidou, sidou, quatre roues. J'suis dans le club des bains, même des fiumes pis bains de la broue. C'est pas dans mes talents d'expliquer l'existence. Ce cerveau à deux temps, ça pense pas, ça dépense. J'suis fier d'être ignorant, pis ça c'est un droit acquis. Pas besoin d'être savant quand t'as une carte de crédit. En fait, moi j'ai deux bacs, un bac vert, un bac bleu. Un pour les faces à claque, dans l'autre ma déquête. Pis laisse-moi pas tout seul avec un écolo. Une coupe de claque, sa gueule, pis ça va faire l'écho. Il t'offra pas une ronde avec ses beaux discours. Il voudra sauver le monde, il va sauver tout court. J'pille, j'pille, j'pille, ben correct, ben correct. J'pille, j'pille, j'pille, j'sais plus quoi faire avec. Le développement durable, c'est pour ma grosse bedaine. Puis j'suis même plus capable de me voir le bout de la graine. J'suis dans le port des papiers, ben assis sur mon cul. Puis y'en a rien à chier, la prof la FTQ. Voilà, c'était Richard Desjardins, Développement durable. C'est ça, c'est sur la compilation L'Existoire. Et on recule jusqu'au début de 2012, en janvier, le 21 janvier 2012. On avait eu un entretien avec Sylvie Morel du département de relations industrielles de l'Université Laval. Et je vous invite à vous rendre sur le site L'économie autrement. Vous allez trouver plusieurs articles de Madame Morel. L'économie autrement, c'est un site dédié à l'analyse économique critique qui vise à mettre à la disposition de différents publics des analyses qui s'inspirent de théories économiques et sociales différentes de celles qui composent le courant dominant. Et c'est ce dont nous avions discuté avec Madame Morel. Est-ce qu'il y a d'autres façons de voir, d'autres approche théorique de l'économie que l'approche dominante, l'approche qu'on appelle, là, qu'on résume un peu sous le chapeau de néolibéral. Et ça avait été fort intéressant. Vous pouvez, je vous l'ai dit, je vous le répète, vous pouvez réécouter cette entrevue en vous rendant sur notre blog, le grain de sable QC.org. Et un petit truc pour retrouver rapidement les différentes chroniques dont je vous ai parlé, c'est que vous, par exemple, vous cherchez Sylvie Morel et vous allez tomber sur l'entrevue qu'elle nous donnait le 21 janvier 2012. On poursuit avec une chanson qu'on a fait jouer le 21 janvier, justement, Coco Rosie, Jesus Love Me, mais on l'avait fait jouer pendant la chronique de Robert Jasmin parce que je trouve qu'elle est tellement représentative de la société américaine. Vous allez comprendre en l'écoutant. Jesus Love Me, Coco Rosie. Forget about the apple spell. Don't fall in that wishing well. Wishing for heaven and getting hell. Wash behind your ears, don't smell. Cover them freckles, don't ask, don't tell. Kiss your papa, but not too long. Hold his hand, don't do no wrong. Jesus loves me, but not my wife, not my nigga friend, no nigga life. Jesus loves me, that for sure. Cause the Bible tell me so. Hush, don't cry, dry them tears. Time will wash away all them years. A scar or a bruise, pick and choose. When you're all grown up, you'll have the blues. Life will give you that wedding ring, fancy cars and diamond things. You best believe in Jesus' way and never fall asleep forgetting to pray. Jesus loves me, but not my wife, not my little friend, not my nigga life. Jesus loves me, step out, show, cause the Bible tell me so. Cause the Bible tell me so. Voilà, c'était Jesus Loves Me de Coco Rosie. Il y a tellement de chansons que nous aurions aimé vous faire jouer aujourd'hui dans cette émission spéciale de Grain de Sable d'Attaque Québec consacrée aux pièces musicales, aux chansons que nous avons fait jouer tout au long de l'année 2012. On va terminer avec Alborosi, La Révolution. C'est une chanson qu'on avait fait jouer le 22 septembre 2012. À ce moment-là, on avait fait jouer un entretien qu'on avait eu un peu plus tôt à la fin du mois d'août à l'Université d'été des cahiers économie avec le président du conseil scientifique d'Attaque France, Dominique Plion. On avait eu aussi un entretien avec Yannick Marcille le 22 septembre en lien avec les résultats de la dernière élection, l'élection qui a porté au pouvoir le gouvernement minoritaire actuel. On se demande bien ce qui va se passer en 2013. En tout cas, moi, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très belle fin d'année 2012. Beaucoup de plaisir le 31, le 1er, avec vos proches, dans vos familles. Et pensez aussi à celles et ceux qui vont vivre ce moment seul. Il y en a dans la société qui, c'est comme ça, ils ne vivent pas le jour de l'an, le réveillon, le jour de l'an avec des proches, des amis, pour toutes sortes de raisons. Bien, ayons au moins une pensée pour ces gens. Et c'est Michel Monette. Je vous laisse donc sur La Révolution de Alborosi, une chanson quand même significative. Entre autres, on avait parlé d'ailleurs de Che Guevara qui va pas, qui semble pas Che Guevara. Qu'est-ce que je dis là? Excusez-moi, nous avons parlé du président du Venezuela qui ne va pas très bien ces temps-ci. Et bon, il se passe plein de choses en Amérique du Sud, en tout cas, et on va se laisser justement avec une chanson espagnole. Beaucoup de chansons françaises, parfois des chansons en anglais, parfois des chansons en espagnol. Voilà, c'est un peu un bilan de l'année 2012 à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Quiero Che Guevara y revolución, y que cante mi destino con esta canción. Revolucionario musical es mi inspiración. Soy un hijo de la calle, en la calle estoy luchando por el pueblo y para la libertad. El fuego de mi reggae quema toda la ciudad, porque yo soy callejero, donde crece la ganja, yo soy granjero. Comandante Che Guevara, mi revolución starting so in media. I'm in the jungle smoking cigar and sing semilla. Marching down to Babylon with me rasta mi lidia. From Mexico to Costa Rica, pura vida. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Revolución, uno, dos. This is a song of freedom, this is my redemption. Reggae campesino brought to perfection. Cuban cigar and a reggae selection. Caribbean militancy, cultural injection. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Argentina. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le 15 février 2013, CKRL aura 40 ans. Soyez des nôtres. Restez à l'écoute. À la recherche d'un traiteur avec un chef issu des meilleurs restaurants